Ces deux dernières années, le nombre de dauphins échoués sur les plages du littoral français dépassait nettement les 1000 individus. Par comparaison, dans les années 90, ce chiffre était autour de 200. Et pour avoir une idée de la réalité du nombre de dauphins tués par les activités humaines, il faut encore multiplier ce chiffre certainement par 5, voire par 10, pour prendre en compte tous les dauphins qui ne s'échouent pas et meurent noyés en mer, pour la plupart comme capture accidentelle des bateaux de pêche. Si le dauphin commun n'est pas encore en danger d'extinction, c'est en revanche le cas d'autres espèces, dont certaines sont menacées de disparaître dans les 10 prochaines années. Faut-il flipper pour les dauphins? C'est le programme au titre absolument discutable et dont je suis désolé, qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, je vais m'excuser également auprès de mes deux invités du jour pour ce titre navrant. Nous allons donc tâcher de nous rattraper dans l'heure qui vient consacrée aux dauphins, à leurs origines phylogénétiques, jusqu'au préoccupant problème des échouages. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Ridoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Observatoire Pélagis, professeur d'écologie à La Rochelle Université. Et Sami Hassani, bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-biologiste de pêche, aujourd'hui directeur de l'association de conservation des oiseaux marins et des mammifères marins d'Océanopolis. Mais avant cela, celle qui rêverait plus que tout d'avoir un dauphin domestique, c'est Natacha Triou pour le Journal des Bonjour Sciences. Nicolas. Bonjour Natacha. Et pour ce journal et pour commencer ce premier journal de la semaine, dans la lutte contre le Covid-19, les laboratoires d'analyse sont sous haute tension, Natacha. Et vous l'avez sûrement vu ces deux dernières semaines, hein, et pas seulement si vous vivez à Paris, des files d'attente interminables devant les laboratoires d'analyse et de dépistage. Les demandes de tests ont explosé. Chaque semaine, 1 million de Français sont testés. Mais problème, les capacités des laboratoires sont limitées et comme rien n'a été prévu pour faire face à cette forte demande, ils saturent. Ces derniers jours à Paris, pour obtenir ces résultats d'analyse, les délais s'allongent et dépassent les 72 heures. Cela risque de compromettre toute la stratégie de traçage des cas contacts et de leur isolement et de rendre cette campagne de dépistage contre-productive. Catherine Hill est épidémiologiste et ancienne chercheuse à l'Institut cancérologie Gustave Roussy. Selon elle, l'essentiel de la diffusion du virus nous échappe complètement. Il y a des études qui montrent que, en gros, la plupart des gens sont symptomatiques en moyenne au bout de 5 jours et 5 jours après les symptômes, il n'y en a plus beaucoup qui sont contagieux. Donc, si on attend que quelqu'un ait un symptôme, ensuite il va voir le médecin le lendemain du premier symptôme, il va se faire tester le surlendemain, et ensuite on lui donne un résultat au bout de 3 jours, en fait on lui dit qu'il est contagieux au moment où il n'est plus contagieux. Donc ce test est inutile. Et de toute façon, on ne détecte environ, en ce moment je pense, on détecte 1 cas sur 5. Donc c'est complètement à côté de la question. On n'est pas du tout en train de contrôler l'épidémie, qu'on n'a d'ailleurs jamais cherché à contrôler. Parce que le virus circule très largement à travers des cas qu'on ne connaît pas. Ben, ce n'est pas un dépistage massif, c'est un dépistage passoire. Et en plus, on donne des résultats si tard qu'ils sont, beaucoup des résultats arrivent si tard qu'ils sont totalement inutiles. Donc, ce qu'on fait là, c'est un gaspillage épouvantable. C'est de la communication politique, mais d'un point de vue de santé publique, c'est une catastrophe. Ben, déjà, il faudrait commencer à se demander si on n'a pas mieux que le test PCR avec un écouvillon dans le nez. Ensuite, on peut faire des tests groupés, c'est une des solutions qui est adoptée dans un certain nombre de pays. Pour accélérer les tests PCR, on prélève 20 personnes, on divise chaque prélèvement en 2 parties, on garde la moitié, et l'autre moitié, on mélange les prélèvements des 20 personnes dans un seul tube. S'il n'y a pas de virus dans ce tube, c'est que ces 20 personnes sont présumées négatives. Donc ça coûte beaucoup moins cher, on peut tester 20 fois plus de gens. Mais si on a 1% positif, on a besoin de 25 tests pour 100 personnes. Pour faire du dépistage, c'est très très efficace. Voilà, et j'en profite pour vous dire que bien, nous reprendrons à partir de ce vendredi et toutes les semaines une radiographie du coronavirus dans une nouvelle forme. Ce sera dans la matinale de Guillaume Erner, certainement aux alentours de 7h15. Mais je vous en dis plus et bien, d'ici vendredi et d'ici la fin de la semaine. Et tout de suite, on va passer au bref. Dans la revue Science, les astronomes ont découvert un étrange système à 3 étoiles. Une équipe internationale a observé grâce au Very Large Telescope au Chili, GW Orionis, situé dans la constellation d'Orion à environ 1300 années-lumière de nous. Deux étoiles intérieures tournent en orbite l'une autour de l'autre, tandis que la troisième gravite autour du duo. Dans le cas de ce triple système, le disque protoplanétaire est scindé en trois anneaux inclinés. De plus, les trois étoiles ne gravitent pas sur le même plan et sont mal alignées les unes par rapport aux autres et par rapport au disque. Ce désalignement est mal compris. Peut-être que la déchirure de ce disque serait liée à la présence d'une planète entre ces anneaux. Une planète qui graviterait autour de trois étoiles, cela laisse rêveur. La NASA a calculé une trajectoire plus rapide pour se rendre vers la Lune et la breveter. Oui, un brevet comme pour toute propriété intellectuelle. Issue de ses modélisations numériques, l'agence américaine a breveté cette trajectoire plus efficace et plus économique. Une sorte d'autoroute vers la Lune qui permet de rejoindre une orbite géosynchrone et de faire le reste du chemin avec moins de carburant et moins de propulseurs. Officiellement, ces brevets empêchent aussi la mainmise d'entreprises privées et leur exploitation commerciale à des sommes exorbitantes. Ce nouvel axe, prévu pour de petits satellites, sera emprunté par Dapper, un engin compact de la NASA qui a pour mission l'étude des âges sombres de l'univers. Et enfin, selon une prépublication apparaître dans The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le projet Breakthrough Listen pourrait s'étendre à plus d'astres que prévu. Et pour la recherche de signaux extraterrestres, c'est l'un des projets les plus aboutis. Le Breakthrough Listen traque des technosignatures et cherche dans notre galaxie des systèmes stellaires susceptibles d'abriter des émetteurs radio. Pour cela, les radiotélescopes Green Bank et Parkes ont recueilli les données radio de 1327 étoiles. Selon les calculs de ces chercheurs britanniques, les étoiles qui se trouvent en arrière-plan peuvent aussi être des cibles. Cela signifie qu'environ 280 000 étoiles supplémentaires peuvent être candidates. Selon eux, moins de 0,04% des systèmes stellaires ont le potentiel d'héberger des civilisations avancées avec une technologie radio équivalente ou plus avancée que les humains du XXIe siècle. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. C'est un peu, eh bien, disons le gentilhomme des mers, une sorte de chien aquatique, toujours guiré, aimant jouer avec l'être humain et compagnon des marins, c'est en tout cas l'image d'Épinal que l'on s'en fait. Et pourtant, chaque année depuis 2016, le nombre de cétacés retrouvés échoués sur le rivage, et notamment des dauphins, bat un record par rapport aux années précédentes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces échouages ne sont que la face visible de l'iceberg, certains experts estimant que jusqu'à 90% des animaux tués accidentellement par les bateaux et filets de pêche sombrent au fond de l'océan sans atteindre le rivage. Qui sont donc ces étranges animaux si sympathiques qui autrefois, il y a fort longtemps, avaient quatre pattes et un pelage et vivaient sur terre? Le dauphin, meilleur ami maritime de l'homme, c'est le thème de notre archive du jour, extrait de l'heure de la culture française. Nous sommes en juin 1962. Le dauphin était un véritable ami de l'homme. Les marins grecs, latins, phéniciens le connaissaient parfaitement, car il est très abondant en Méditerranée. Les navigateurs de l'Antiquité n'avaient pu manquer de remarquer ces bêtes gracieuses et rapides qui jouaient dans la vague d'étrave de leur navire, bondissaient hors de l'eau, paraissant ainsi manifester leur joie de rencontrer l'homme, le marin, leur ami et collègue. L'imagination méditerranéenne entrait alors en action. On citait ce dauphin familier qui se laissait volontiers enfourcher par un petit garçon et l'emmenait de la meilleure grâce du monde faire une promenade en mer. Il y eut le musicien Arion que les matelots de son navire voulaient assassiner et qu'un dauphin sauva en le prenant sur son dos et en le portant ainsi jusqu'à Corinthe. D'autres histoires semblables où le dauphin sert de monture à un naufragé ou simplement à un amateur de sport nautique sont très nombreuses et on les considérait comme de pures légendes ou tout au moins comme fortement exagérées. Alors, récit de Paul Butker en 1962, sous-directeur de laboratoire au Muséum d'Histoire Naturelle, une réaction à cette archive, à cette légende dorée, entre guillemets, du dauphin et du rapport entre le dauphin et les êtres humains, Vincent Ridoux. Alors... Oui, je dirais qu'il reste encore il existe encore des témoignages de navigateurs, de plaisanciers qui rapportent des rencontres très proches, même dans les années récentes, avec des dauphins, souvent l'espèce le grand dauphin, notamment sur nos côtes. Alors quelquefois, ça peut être présenté de manière très amicale, comme ça vient d'être le fait par Paul Budker, là, ici. Mais d'autres fois, c'est moins amical, avec des interactions dauphin-homme qui sont vécues avec un peu de brutalité par le nageur ou par le plaisancier. Sami Hassani, votre réaction à cette longue histoire d'amitié, on entend presque un peu le Budker décrire le dauphin comme, je le disais, si le chien est le meilleur ami de l'homme, le dauphin serait le meilleur ami aquatique de l'homme. C'est votre réaction à cette archive? Bah, je partage ce que dit Vincent à ce propos. Alors c'est vrai qu'il y a deux cas de figure. Il y a, comme le disait Vincent, des personnes, des navigateurs qui étaient perdus ou en danger et qui d'un seul coup voient des dauphins et ont l'impression que les dauphins les guident et les sauvent. Donc il y a toujours cet aspect des choses, du dauphin, animal sympathique. Et puis il y a, dans le cadre de certains dauphins solitaires, donc comme le précisait Vincent, donc des contacts un peu plus physiques, un peu plus violents parfois, avec des personnes qui paniquent, qui ont peur. Et donc il y a deux camps. Il y a le camp des amis des dauphins et puis ceux qui se méfient, à juste titre aussi. Ça reste un animal sauvage, même si... Bien entendu. C'est d'un abord joueur. Quand on navigue, ils viennent facilement à l'étrave, pour la plupart des espèces. Donc il y a ce côté amical, on va dire. Eh bien, c'est de ce dauphin, amical ou inamical, en tout cas de cet animal, de ces animaux sauvages dont nous allons parler tout au long de cette heure. Vous allez voir qu'il n'y a évidemment pas un dauphin, il y a des dizaines, des centaines de dauphins différents et nous allons essayer de comprendre eh bien d'où vient cette espèce et comment aujourd'hui elle est menacée, notamment par les activités humaines et par la surpêche. La méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h13, vous écoutez la méthode scientifique et quelques sons de dauphins qu'on pourra commenter tout à l'heure parce que vous allez voir que le dauphin produit plusieurs types de sons et réussit à communiquer. Est-ce qu'il y a un langage des dauphins? Est-ce qu'il y a une syntaxe même à ce langage? Bien, c'est une question que va poser à nos deux invités tout à l'heure, Vincent Ridoux et Sami Hassani. On peut commencer peut-être, Vincent Ridoux, par rappeler que bien le dauphin, comme tous les mammifères marins, est un animal qui est sorti de l'eau pour évoluer sur Terre et qui, de la Terre, est retourné à l'eau. Exactement, ce sont des mammifères qui, il y a à peu près 55-58 millions d'années, étaient sur la Terre, appartenaient à un groupe qui a donné également les vaches, les chèvres, les cochons, une bonne partie du bétail qu'on connaît aujourd'hui, donc le groupe des ongulés à doigts pairs, donc les artiodactyles. Eh bien, parmi les ancêtres de ce groupe qui a donné les ongulés qui nous sont très familiers, eh bien, il y avait également les ancêtres des cétacés. Et donc, les premiers cétacés sont des animaux à quatre pattes et qui ont commencé à exploiter des ressources aquatiques. Et finalement, se sont spécialisés dans ce mode d'alimentation, ce qui les a amenés à passer beaucoup plus de temps en milieu aquatique et ce qui a été le moteur de leur spécialisation à la vie en mer. Est-ce qu'on sait ce qui a conduit ces premiers cétacés à retourner à l'eau, Vincent Ridoux? C'est probablement parce que les premiers qui ont commencé à chercher des sources d'alimentation dans des milieux aquatiques, ou alors peut-être pas forcément marins dès le début, mais des lagunes ou des choses comme ça, eh bien, ils ont rencontré un certain succès et se sont spécialisés sur ces ressources au point d'en faire leur alimentation exclusive et donc de construire tout leur mode de vie autour de cette ressource et de cet habitat. On parle du Mésonyx comme ancêtre des cétacés. Qu'est-ce que c'est que ce Mésonyx, Vincent Ridoux? Alors, je ne sais pas si le Mésonyx, maintenant, est toujours reconnu comme étant l'ancêtre des cétacés. En tout cas, il est proche de l'ancêtre des cétacés. Bon, c'était un animal qui est associé à cet ensemble des premiers mammifères qui vont donner les ongulés par la suite, et qui, dont les représentations qui sont proposées par les paléontologues sont des représentations d'un animal à quatre pattes qui a une allure extérieure de gros animal carnassier. Oui, c'est ça ressemble à un mi-chemin entre un félin et un loup de Tasmanie, quoi. On vient de mettre la photo sur le fil Twitter @laméthodefc pour nos auditrices et nos auditeurs qui veulent jeter un œil. Voilà. Alors, et je crois que, avec les progrès récents de la paléontologie, on s'est un petit peu écarté de l'histoire du Mésonix, mais on a trouvé des traces fossiles qui montrent bien que les premiers cétacés qui avaient encore quatre pattes, qui étaient déjà des cétacés par certains aspects, mais qui avaient encore quatre pattes, ont des caractères squelettiques sur ces pattes, et notamment sur le talon, qui les relient de manière tout à fait certaine aux ongulés. Donc ce sont des ongulés. Mmh. Un mot peut-être alors du coup sur cette évolution, cette grande famille des cétacés, plus précisément Sami Hassani, les dauphins sont des odontocètes comme les orques, c'est-à-dire qu'ils ont des dents contrairement aux baleines. Oui, alors d'ailleurs, donc il y a les odontocètes, donc les cétacés à dents, et puis les mysticètes, ceux qui ont des fanons, sachant que les orques font partie de la famille des dauphins, ce sont des delphinidés, c'est un dauphin d'une grande taille, quoi. Et du coup, leur caractéristique, oui, voilà, allez-y. De posséder des dents, oui. Et donc du coup, quelles sont ces caractéristiques? On va rester sur les dauphins et puis on pourra éventuellement élargir un petit peu. Mais donc ce sont des mammifères, donc ce ne sont pas des poissons, c'est-à-dire qu'ils ont des poumons, ils respirent de l'oxygène et avec un système de respiration particulier. Vous pouvez nous le détailler, Sami Hassani? Oui, alors avec l'évolution, donc effectivement les tout premiers cétacés, donc ceux qui ont commencé à coloniser les milieux aquatiques et puis marins, avaient des narines, comme tous les mammifères, et l'adaptation a fait que ces narines ont migré sur le dessus de la tête, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un évent, qui leur permet donc de respirer dès qu'ils font surface par le dessus de la tête, quoi. Et le corps, bien sûr, a évolué, hein, puisqu'ils n'ont plus quatre pattes, ils ont plus de pattes d'ailleurs, hein. Il y a les nageoires avant, les nageoires pectorales, qui sont le résidu de ces pattes avant, qui sont transformées en palettes natatoires. Et toute la partie du bassin et des pattes arrière, elle existe à l'état vestigial qu'on va retrouver sur le squelette, mais en interne. Et donc, ils ont développé une caudale et pour la plupart également une dorsale, donc pour se mouvoir dans l'eau, donc avec les muscles dorsaux qui se sont très développés pour justement mouvoir cette caudale qui leur permet d'avancer dans l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que la respiration, comme d'ailleurs chez la plupart des cétacés, je crois, enfin je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, c'est une respiration consciente, Vincent Ridoux, puisque en fait ce sont des animaux qui vivent essentiellement en apnée et qui refont surface pour respirer. Oui, les spécialistes de physiologie respiratoire des cétacés ont observé que le mouvement ventilatoire est volontaire. Donc l'animal, en faisant surface, déclenche un mouvement ventilatoire qui lui permet d'inhaler l'air atmosphérique à la surface de l'eau. Mais alors du coup, tout le système de respiratoire est effectivement très complexe et très raffiné pour permettre non seulement des plongées en apnée de plusieurs minutes, parfois jusqu'à 10 minutes, là aussi vous pouvez préciser mon propos, et avec une irrigation du coup des différents organes qui va être un peu différente, une composition chimique du sang qui est un peu différente, Sami Hassani. Alors c'est vrai que il y a des adaptations du fait du milieu et du fait de la plongée, qui font que, d'abord, la respiration, elle est complètement consciente, ce qui fait qu'un animal qui se retrouve malheureusement piégé sous l'eau ne va pas mourir noyé, mais asphyxié. Oui, ça. Et puis, pour économiser, alors il y a d'autres évolutions, les muscles sont très riches en myoglobine, donc c'est l'équivalent de l'hémoglobine qu'il y a dans le sang. Et donc, les muscles des cétacés sont très riches pour stocker de l'oxygène dans les muscles. À volume égal, volume sanguin égal, les cétacés ont plus d'hémoglobine dans le sang pour stocker. Pour fixer l'oxygène, il faut rappeler que l'hémoglobine, c'est ce qui permet de fixer l'oxygène dans le sang. Fixer l'oxygène, exactement, oui. Et puis, lors de la plongée, bien sûr, les adaptations font qu'il n'y a que certains organes qui sont irrigués, les organes les plus nobles, effectivement, le cœur, le cerveau, et tous les organes comme l'appareil digestif le sont moins pour économiser cet oxygène. Et avec aussi évidemment une répartition, une évolution qui fait que l'œsophage et la trachée sont des conduits distincts, Vincent Ridoux, qui permet à tous les cétacés d'ouvrir la bouche, de se nourrir sous l'eau sans avaler de l'eau et sans faire passer de l'eau dans le système respiratoire. Oui, quand on avale de travers, pour nous, c'est déjà désagréable. Mais les dauphins ont résolu cette situation en, avec un cartilage qui prolonge les conduits respiratoires à travers l'œsophage pour aller directement vers la trachée. Et ce qui fait que le carrefour respiratoire et digestif, donc qui est normalement au fond de la cavité buccale, eh bien ici est particulièrement séparé avec donc un conduit qui va depuis les voies respiratoires supérieures vers la trachée, en passant à travers l'œsophage de manière quasi étanche. Et alors, on va rester un peu dans l'anatomie des dauphins et on va passer à l'anatomie avant de parler de la vie sociale des dauphins qu'on présente toujours comme des animaux très enjoués, vivant en groupe. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais j'aimerais qu'on parle de la communication. On a entendu, alors il y a ce bruit, cette espèce de chant un peu de pulsé du dauphin qu'on connaît typiquement. Mais les dauphins ont développé tout un arsenal de sons différents avec différents usages, Sami Hassani. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux grandes catégories de sons, on va dire. Il y a les sons qui permettent de communiquer entre les individus au sein d'un même groupe. Et puis, il y a le son qui a été développé dans le cadre de la détection des proies et de pour se repérer dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'écholocation. Donc là, ce sont des ultrasons. Ce que possèdent également les chauves-souris, par exemple. Et on sait que, en fonction des espèces, les sons de communication sont différents les uns des autres. Évidemment, on arrive à distinguer les espèces. Mais au sein même d'une espèce, en fonction des groupes, il y a des sortes de dialectes. Mmh. Donc c'est très particulier. Et ce qui est très particulier chez les odontocètes, justement, c'est cette faculté à détecter par un système d'écho, hein, c'est comme un sonar, comme un radar, de repérer les proies, de se repérer dans un environnement relativement proche. Un mot sur ces différentes stratégies de communication et d'utilisation bien du son, que ce soit l'écholocation ou la communication entre intra-espèces, Vincent Ridou. J'insisterai peut-être un peu sur quelque chose que Samy a commencé à développer, là, sur les sons utilisés dans la communication, et puis les dialectes qu'on observe entre différentes populations d'une même espèce. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les animaux, les espèces ou les populations qui ont des groupes sociaux les plus permanents, où les animaux restent avec un nombre de partenaires assez restreint pendant une grande partie de leur vie ou même la totalité de leur vie, eh bien, ces populations-là montrent des formes de dialectes qui sont propres à telle ou telle famille ou tel clan de dauphins. Donc, je pense à certaines populations d'orques, par exemple. Et puis, à l'inverse, quand on est chez des espèces où il y a beaucoup de brassage, où les groupes sont remaniés de manière assez fréquente au cours de la vie des animaux, eh bien, les animaux sont en contact avec beaucoup d'autres partenaires. Et à ce moment-là, il y a une forme d'homogénéisation des dialectes et du coup des vocalises qui se ressemblent sur des très grands territoires. Sur la partie qu'on entend, qu'on connaît le mieux représentatif qu'on a entendu tout à l'heure de son de dauphin, on va le réentendre d'ailleurs. Une étude de 2016, mettait en avant le fait que il y ait dans ces sons pulsés ce qu'ils appelaient des impulsions non cohérentes, c'est-à-dire finalement des espèces de phonèmes qui pourraient faire office de mots ou en tout cas d'identité de sens, de bloc de sens. C'est ce qu'on pourrait imaginer ou dire ou extrapoler, qu'il y a quasiment une syntaxe dans le langage des dauphins, Sami Hassani? Alors, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié et avec des outils de plus en plus performants. Donc, les acousticiens, notamment, hein, et on arrive à ce genre de conclusion, mais pour l'instant, à ma connaissance, on ne peut pas dire qu'il y a un langage dans le sens où on l'entend comme nous, le langage des humains, quoi. Mmh. Mais il y a une forme, oui, qui tendrait à aller vers là. On va vous mettre le lien vers cette étude là sur notre fil Twitter @lamedodefc. Et puis je vais vous faire écouter. Vous allez nous dire plusieurs sons. Vous allez nous dire exactement à quoi ça correspond et ce qu'on entend. Premier son. Vincent Ridou, traduction, dauphin humain. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Alors là, je ne pourrais pas vous le dire. que je ne parle pas le dauphin couramment. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vais m'abstenir d'interpréter ce que je viens d'entendre. Bien, c'est un grand dauphin. Mais voilà, je sais, vous pensez qu'il a un message très particulier à nous dire, là ? Je ne sais pas. La question, c'est quel type de son ? C'est ce qu'on vient d'entendre, c'est ce dont on parle, c'est-à-dire ces sons qui sont des sons pulsés, qui sont des sons vraiment de communication à proprement parler, c'est cela ? Oui, ça, c'est des sons de communication, parce que d'abord, c'est dans l'audible, alors que les sons d'écholocation sont dans les ultrasons, donc des hautes fréquences, mais qui sont hors de nos capacités auditives humaines. On va entendre un deuxième son. Qu'est-ce qu'on entend là, Sami Hassani, justement ? Là, c'est plutôt ce qui s'apparente à des sifflements. Et donc là, c'est plutôt... on trouve ça chez des espèces pélagiques, hein. Donc voilà, mais c'est pareil, je ne parle pas couramment. Bien sûr. On va écouter un troisième son. Vincent Ridou, qu'est-ce qu'on entend là ? Ah, on vous a perdu. Vincent Ridou ? Oui, je vous écoute. Voilà, allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vient d'entendre ? J'ai l'impression qu'il y a un concert de plusieurs individus différents là, qui sont en train d'interagir. Alors je ne sais pas si il y a une proie commune ou s'il y a un objet en compétition entre les animaux, mais on dirait qu'il y a tout un concert de différents animaux ensemble. Si on dit un mot de la vie sociale, de l'organisation sociale des dauphins, alors encore une fois, c'est vrai qu'on parle des dauphins, finalement c'est un mot vernaculaire qui regroupe beaucoup d'espèces, des espèces différentes, on l'a pas dit, mais il y a aussi des espèces d'eau douce qui peuvent vivre dans des fleuves, notamment en Amazonie, mais si on reste sur le dauphin commun ou le grand dauphin, est-ce qu'il y a vraiment une organisation sociale au sein des populations de dauphins, comme vous le laissiez entendre tout à l'heure, Sami Hassani ? Oui, il y a des organisations sociales, alors qui sont très élaborées lorsqu'on a affaire à des groupes, des petits groupes familiaux, des groupes qui utilisent un petit territoire, comme les groupes de grands dauphins résidents, où c'est très structuré. Ça l'est un peu moins, même s'il y a une organisation sociale, dans les groupes plus importants, les groupes qui fréquentent les zones pélagiques ou océaniques, avec des structures sociales qui se font, qui se défont en fonction de la séparation sous-groupe ou de groupe qui intègre le grand groupe ou l'autre groupe. Donc c'est un peu différent, mais il y a toujours, grâce justement à cette notion de langage et de communication, une structure qui régit le fonctionnement du groupe. Donc c'est assez codé. J'ai lu plusieurs choses, vous pouvez me dire ce qu'il en est, Vincent Ridou. J'ai lu notamment que, par exemple, les dauphins fonctionnaient en partenaires de jeu, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils quittaient la mère, ou en tout cas la cellule familiale, souvent les jeunes mâles pouvaient rester comme à deux, ou en groupe, en petit groupe, et en petit groupe fidèle tout au long de leur vie. Ou peut-être d'abord un commentaire là-dessus, Vincent Ridou. Je vais reprendre à partir de ce qu'a évoqué Sami tout à l'heure. Donc, avec les populations qui vivent, les sociétés de dauphins qui vivent en groupes familiaux très stables. Donc, c'est ce que vous évoquiez là aussi. Donc, ce sont souvent des groupes familiaux qui sont menés par une mère ou une grand-mère et qui est accompagnée de toute sa descendance, y compris sa descendance, les femelles et les mâles. Ils sont issus de sa descendance. Et donc, c'est les mâles de ce groupe, à un certain moment, quand ils vont devenir adultes, ils vont rester dans le groupe, mais ils vont aller se reproduire dans un autre groupe. Et donc, à ce moment-là, ils vont aller faire des excursions hors du groupe familial et puis rechercher des femelles dans d'autres groupes. Ça, c'est pour les espèces qui ont des modes de vie extrêmement résidents, la plupart du temps, avec une très grande fidélité aux partenaires, etc. Et puis, c'est par exemple certaines populations d'orques en Colombie-Britannique ou certaines populations de grands dauphins très côtiers. Et puis, à côté de ça, il y a ceux qui vivent au large et qui vont faire des groupes beaucoup plus fluides ou qui vont être classés, organisés souvent en fonction de leur statut reproducteur. Donc, des groupes de femelles avec des jeunes à l'été, donc des femelles gestantes, qui attendent des petits ou un petit, ou bien les mêmes femelles quelques mois plus tard avec leurs jeunes à l'été. Et donc dans ces groupes-là, les jeunes vont rester 1, 2, 3 ans. Et puis après, ils vont quitter ce groupe Et notamment, les mâles, les jeunes mâles, vont pouvoir faire constituer des groupes de jeunes mâles qui vont être les partenaires de jeu dont vous parlez, par exemple. Et puis, quand ces animaux-là vont atteindre la maturité pour la reproduction, eh bien les femelles vont rejoindre des groupes de femelles gestantes et allaitantes. Donc, dans ces cas-là, il y a une rotation beaucoup plus importante dans les partenaires que chaque individu peut avoir au cours de sa vie, puisqu'il va passer d'un groupe, d'un type de groupe à un autre en fonction de son âge et de son statut reproducteur. Mmh. On parle de société polygynandre, c'est-à-dire des mâles qui s'associent et qui s'accouplent avec plusieurs semaines. C'est la base de la structure sociale de la majeure partie des populations et des espèces de dauphins, Samy Hassani ? Oui, il y a ça. Et puis, pour compléter aussi ce qui a été dit, c'est que, s'agissant, par exemple, je reviens sur les groupes de grands dauphins côtiers résidents, il arrive aussi qu'il y ait des mâles issus, alors soit d'autres groupes, ou même de groupes océaniques, donc du large, qui viennent s'accoupler à un moment donné, intègrent ce groupe-là, s'y accouplent, et puis repartent. Ce qui permet quelque part aussi de faire du brassage génétique dans ces sociétés qui sont très fermées, finalement. D'où l'intérêt du brassage. Quoi. Pour conclure sur cette organisation sociale, il y a une idée reçue peut-être, j'imagine, qui voudrait que les dauphins, et surtout j'imagine aussi beaucoup d'anthropomorphisme là-dedans, mais on va essayer de mettre de côté l'anthropomorphisme, et qui prête aux dauphins une sexualité assez agressive. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est là une sorte de légende urbaine qui n'a aucun intérêt, Vincent Ridoux? Alors, je ne sais pas si c'est un intérêt ou pas, mais en tout cas, il est vrai que selon les espèces, il va y avoir des espèces où on va avoir une compétition entre les mâles pour l'accès aux femelles, et donc cette compétition va impliquer des combats, enfin des rivalités entre mâles qui vont avoir lieu avant les accouplements. Donc, dans ces cas-là, l'énergie déployée à contrôler un certain nombre de femelles, va surtout se développer avant d'accéder aux femelles, donc en éliminant les mâles concurrents. Et puis il y a d'autres espèces où il n'y a pas ce genre de rivalité avant l'accouplement, et en fait, les mâles ont assez facilement accès à des femelles. Et à ce moment-là, c'est la capacité à s'accoupler avec un grand nombre de femelles qui peut faire le succès de tel ou tel mâle. Donc c'est dans ce cas-là où on peut imaginer la sexualité très débridé dont vous parlez. Samy Hassani, un commentaire à ce propos? Oui, alors il y a aussi le cas de justement des groupes de mâles comme ça, sans doute des jeunes mâles qui sont capables de se reproduire mais qui n'ont pas encore de femelles, qui parfois arrivent à isoler une femelle, oui. Et il y a une espèce de viol entre guillemets, on peut traduire comme ça, qui se fait. Donc, selon les espèces, il y a plus ou moins d'agressivité entre mâles, mais aussi parfois des comportements de mâles envers certaines femelles qui sont pas très câlins, on va dire. C'est ça. Bon, mais néanmoins, on va continuer à parler de ces dauphins câlins ou pas câlins, d'ailleurs, et ou sympathiques, tout sympathiques qu'ils soient. Ces dauphins sont pour beaucoup d'entre eux et pour de nombreuses espèces menacées par la pêche intensive, dont ils sont les premières victimes. On en parle dans quelques minutes. On l'appelle le dauphin dans son royaume aquatique. On se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit le dauphin de l'Arctique à l'Antarctique, les pieuvres et les requins vont se cacher dans les coins. Le chevalier des mers, on l'appelle le dauphin. Voilà. Voilà, après ce titre discutable, un choix musical qui n'est pas tout à fait assumable non plus, mais qu'on assume malgré tout. Michel Legrand, le dauphin, et son pelage blanc comme l'hermine, c'est intéressant le pelage du dauphin. Bref, vous l'aurez compris, nous parlons de dauphins tout au long de cette heure, en compagnie de Vincent Ridoux, qui est chercheur à l'Observatoire Pélagis, professeur d'écologie à La Rochelle Université, et Sami Hassani, ex-biologiste de pêche, aujourd'hui directeur de l'association de conservation des oiseaux et des mammifères marins d'Océanopolis. Et on va justement aller à Pélagis, à l'Université de La Rochelle, pour le reportage du jour. Antoine Beauchamp, vous êtes allé à la rencontre de chercheurs qui suivent les mammifères marins et notamment les dauphins. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et pour cette visite, je vous propose de suivre Jérôme Spitz, qui est chercheur CNRS et co-directeur de l'Observatoire Pélagis, observatoire où vous travaillez, Vincent Ridoux. L'Observatoire Pélagis est un observatoire de la mégafaune marine, c'est-à-dire des grandes espèces marines dont font partie les dauphins. Les chercheurs de cet observatoire essaient de comprendre l'état de santé des populations de dauphins dans les eaux françaises, par des travaux de suivi notamment. Ils constituent également une banque de données biologiques à partir des dauphins échoués sur les côtes françaises pour répondre à toute une série de questions, comme par exemple les causes de ces échouages, ou encore l'évolution de l'alimentation et de la reproduction des dauphins. Alors sur les dauphins, on va essayer de suivre, on va dire, leur état de santé, l'état des populations, donc à travers des grands domaines, pouvoir répondre à combien de dauphins sont présents dans les eaux françaises, à quel endroit, comment ils sont distribués, quelles sont les pressions anthropiques, c'est-à-dire les impacts humains sur ces populations, donc qu'est-ce qui les tue, qu'est-ce qui les rend malades. Ça va être nos missions aussi de bancariser, c'est-à-dire de mettre de côté des échantillons pour des projets futurs et de répondre à des éléments de connaissance un petit peu général sur savoir qu'est-ce que ces animaux mangent, comment ils se reproduisent, quelle est leur structure des populations génétiques et on va dire l'écologie générale de cette espèce. Voilà, alors là, on se dirige tranquillement vers la salle où vous disséquez les dauphins qui vous sont envoyés, les dauphins qui sont morts, qui se sont échoués sur les plages françaises. Et avant d'entrer dans cette salle, alors là, on est directement dans le vif du sujet, si je puis dire. On est devant un grand frigo avec visiblement deux dauphins qui attendent le jour de leur dissection. Oui, donc on arrive dans nos espaces de dissection. Donc on a des dissections de programmées en fait demain. Donc on a des animaux qui sont conservés en fait congelés qu'on va sortir au moment d'examen. Donc là on a deux animaux qui sont en train de décongeler devant la salle en attendant de passer sur la table de dissection que je vais vous présenter. Donc là on se trouve dans notre salle d'autopsie, notre salle de dissection. Donc c'est ici qu'on va faire l'examen des animaux qui sont récupérés, qui sont rapatriés sur Pélagis. Donc on va réaliser un premier examen externe de l'animal, bon, retrouver l'identification de l'espèce, le sexe, des mesures, et puis regarder ensuite quels sont les signes extérieurs qui peuvent renseigner sur la cause de mortalité. Donc il peut y avoir des signes mécaniques liés à l'échouage, par exemple sur les rochers, des actions d'oiseaux par exemple, donc on va essayer d'éliminer tout ça pour trouver les traces liées plutôt à la mort. Et quand on parlait des captures accidentelles, bah les engins de pêche vont laisser des marques assez caractéristiques, voire des fois des amputations réalisées par les pêcheurs lorsque les animaux sont démaillés, donc il va avoir des coupes très nettes, ce qui vont permettre d'avoir des premiers indices. Ensuite, les animaux vont être ouverts, on va dire que ça va ressembler à une autopsie. Les organes vont être regardés, examinés. Donc en fonction des causes de mortalité, on va avoir des indices sur différents organes. Par exemple, une mort traumatique par asphyxie lors d'une capture va différer d'un animal qui est mort lié à une maladie avec des pathologies sur certains organes. Donc on va continuer cet examen-là. Ensuite, on va réaliser un échantillonnage, c'est-à-dire on va prendre des petits bouts, des biopsies, des petits bouts de chaque organe, et ces échantillons vont être conservés ensuite, congelés, ou dans du formol, ou dans de l'alcool, pour des analyses futures, à la fois pour connaître la mort de l'animal, mais également pour pouvoir renseigner des projets de recherche de plus grande ampleur qui auront lieu plus tard. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu cette salle, qui est quand même assez impressionnante ? Donc on se retrouve autour de ce qu'on appelle une table d'autopsie, qui est une grande table en inox, là de 3 mètres par 1,50 m, où les animaux avec un treuil qui nous permet de manipuler les animaux. On a des animaux qui peuvent dépasser la centaine de kilos pour des dauphins communs de manière assez régulière. On a une salle du coup qu'on peut voilà qu'on peut laver à grande eau, qu'on peut nettoyer. On a de toute façon des enjeux aussi liés, on va dire, à la sécurité sanitaire. Donc normalement c'est une salle où on va rentrer quand les animaux sont là, équipés en blouse, en gants, en masque, même si les masques sont un peu d'usage en ce moment. Où sont stockés les échantillons de dauphins? Est-ce qu'ils sont stockés ici même ou est-ce qu'ils sont stockés à un autre endroit? Alors on va aller dans un autre endroit qui va être, on va dire, notre banque nationale d'échantillons. D'accord, bien sûr. Donc là, on va se retrouver dans un centre névralgique, quelque part, en tout cas crucial pour nous, l'observatoire, puisque ça va être le lieu où l'ensemble des prélèvements vont être stockés. Les mammifères marins, les dauphins en particulier, sont des espèces protégées. Donc quand on a une question pour répondre à l'écologie, de biologie, de génétique sur ces animaux-là, il est impossible d'aller échantillonner de la même manière comme on irait prendre des coquillages sur une plage ou voilà, des algues au bord de la mer, les animaux étant protégés. Donc la première source en fait d'échantillons vont être les animaux qui ont été retrouvés échoués ou capturés accidentellement. On va du coup mettre de côté des échantillons qui vont par la suite pouvoir répondre à des questions quand des projets ou des questions spécifiques vont émerger. Donc en fait, au niveau national, tous les prélèvements, une majorité des prélèvements vont être stockés sur La Rochelle. Et on a ainsi des collections à peu près de 15 000 prélèvements à l'heure actuelle qui remontent jusqu'à une vingtaine d'années pour permettre des études spécifiques à venir. Vous évoquiez le fait que ces prélèvements permettent de répondre à certaines questions autres que les causes des échouages. Quelles pourraient être ces questions, notamment sur, je ne sais pas, le mode de vie des dauphins, l'évolution de leur alimentation, etc. Donc voilà, on va voir les questions qu'on traite spécifiquement. Ça va être les aspects de biodémographie, donc comment, à quelle vitesse ils se reproduisent, comment vont leurs systèmes de reproduction. On a des questions liées principalement aussi à leur niveau de contamination. Régulièrement, on va suivre les quantités de polluants, des polluants métalliques ou organiques qui sont présents dans les tissus de ces animaux qui se trouvent au sommet des chaînes alimentaires. Connaître leur alimentation. Aussi des études génétiques à différentes échelles. On a comme ça des fois certaines espèces à l'échelle mondiale. Donc on a des projets à l'échelle mondiale. On vient demander l'échantillon français. Donc on vient taper à notre porte et on va sortir du coup des caisses, des échantillons qui vont être envoyés potentiellement aux quatre coins du monde. J'aimerais maintenant qu'on se dirige vers la salle des archives, de vos archives. Alors là, on est dans un espace un peu particulier où il y a d'un côté des grands congélateurs, des grands frigos, et de l'autre côté des étagères avec des échantillons dans des bocaux numérotés, annotés. Voilà, donc là, on est dans le cœur de nos collections en pilulier, donc en bocal, donc des prélèvements, des petits bouts, des petits carrés de tissu qui sont conservés dans de l'alcool ou du formol, classés par type d'organe et type d'analyse. Donc il sert principalement à avoir des collections de référence pour la génétique et le suivi de la reproduction en particulier. Si on prend un bocal un petit peu au hasard, on a de la peau, on a... Dites-moi. Alors voilà, deux, trois échantillons au hasard. On va retrouver ici des échantillons de peau. Donc juste un petit bout de peau qui est conservé et qui permet de pouvoir, sur toutes les espèces, à très grandes échelles, au niveau national et mondial, d'avoir un prélèvement facile à réaliser pour standardiser des études de génétique. On peut avoir également directement les gonades, c'est-à-dire les testicules ou les ovaires des dauphins qui vont être prélevés pour suivre leur état de reproduction et leur dynamique de reproduction. Alors à présent, est-ce que vous pourriez m'expliquer quelles seront les prochaines étapes au sein de l'Observatoire Pélagis concernant cette question des dauphins dans l'année qui vient ? Donc différentes questions en fonction des équipes. On a toute l'équipe sur le recensement des échouages qui va être de stabiliser les chiffres de l'année, donc finir la collecte de l'ensemble des échouages, de pouvoir fournir les données actualisées sur la part de capture accidentelle par rapport à la part d'autres types de mortalité. On est en train de terminer également des exercices sur âger les dauphins. On a besoin de savoir leur âge pour savoir comment leurs démographies vont être impactées. Et des exercices liés, on va dire, à repositionner maintenant les zones de mortalité en mer. On travaille avec un modèle de dérive inverse pour savoir un animal qui a été récupéré à terre, d'où il provient en mer et quelles sont, on va dire, les activités qui étaient autour de lui au moment de sa capture. Voilà le reportage du jour à La Rochelle, à l'Observatoire Pélagis. Je vais évidemment vous demander une réaction, puisque c'est là que vous travaillez, Vincent Ridoux. Est-ce que vous venez d'entendre ? Bah oui, c'est notre quotidien. Alors, Donc là, vous avez fait un reportage qui est surtout sur l'activité d'études des échouages. Donc c'est quelque chose de très ancien qui était implanté à La Rochelle dans les années 70 hein, et qui perdure. Et donc c'est un effort considérable de collecte et qui permet d'avoir une série historique hein, qui maintenant a 40, 50 ans de longueur, et donc c'est considérable. C'est une des plus longues séries historiques de données sur les échouages et de prélèvements biologiques en Europe. Donc ça, c'est très important. Et à côté de ça, on fait aussi peut-être quelque chose qui a été un peu moins évoqué, mais des recensements sur les animaux en mer, vivants, donc à partir de navires ou d'avions, pour cartographier les zones de concentration de ces animaux en mer. Comment, quel type de balise, comment ça se marque un dauphin, justement, pour ces campagnes de suivi? Alors, nous, on ne fait pas de marquage de dauphins. C'est très difficile de marquer les dauphins. Il y a quelques balises qui existent. On peut poser des balises qui permettent de faire du positionnement Argos, par exemple, ou GPS. Mais les dauphins, c'est quand même des animaux qui ne se prêtent pas facilement à faire ce genre de travail, pour différentes raisons. D'abord, ils n'ont pas de poils, première chose. Donc, contrairement à ce que chantait Michel Legrand. Voilà. Donc, ça empêche de coller un appareil électronique sur la surface de la peau en étant sûr que l'animal s'en débarrassera au bout d'un certain temps. Donc, ça impose du coup des systèmes de fixation plus invasifs, avec soit des harnais, soit des sortes de poinçons. Donc voilà, c'est plus difficile à faire que sur d'autres animaux marins, comme les phoques par exemple. Voilà, donc nous, on n'a pas travaillé sur le suivi électronique des animaux individuellement en mer, mais on fait de l'observation depuis des navires ou depuis des avions, de l'observation visuelle, ce qui permet de faire des cartes de la répartition de ces animaux-là, mais ce qui ne permet pas de voir les déplacements individuels. Sami Hassani, je vous ai pas entendu, j'aimerais une réaction générale sur le reportage, et puis j'aimerais qu'on parle un peu justement de ces campagnes, des échouages et de l'évolution des échouages, notamment là dans les dernières années. Concernant le réseau, donc l'observatoire Pélagis, comme l'a dit Vincent, c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça a été dit dans le reportage, hein, pour l'acquisition de données, qu'elles soient biologiques ou sur l'énumération des échouages eux-mêmes et déterminer la cause de ces échouages. Donc le réseau, j'en fais partie aussi, puisqu'il y a des correspondants et des coordinations locales parfois sur le territoire français et puis maintenant en métropole. Et puis c'est un outil qui permet de faire des études et moi j'en ai bénéficié, notamment tout ce qui est études du régime alimentaire, que ce soit les phoques ou les dauphins. Ça permet de connaître et de mieux connaître ces espèces-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire en sorte de durer dans le temps, et c'est bien parti, hein, puisque c'est un effort considérable. Il y a beaucoup de personnes qui sont bénévoles à faire cela. Donc, il faut arriver régulièrement à motiver les troupes, d'où le séminaire annuel qui se fait. Alors cette année, ça sera en visio, Covid 19 oblige, mais c'est un moment où on peut échanger, et puis les gens, ça leur permet de réaliser à quoi sert leur travail, parce que quand on est isolé sur un bout de littoral et qu'on dissèque, qu'on fait des prélèvements, on n'a pas forcément la dimension de ce que cela peut représenter ensuite. Donc c'est voilà, séminaire, bonne chose, qui malheureusement cette année n'aura pas lieu dans les conditions habituelles. Et l'autre question... C'est-à-dire que là, j'aimerais qu'on parle un peu justement des échouages, puisque je le disais en tout début d'émission, le nombre d'échouages augmente durablement, considérablement. Ces deux dernières années, on est à plus de 1000 individus, et l'année n'est même pas terminée, l'année 2020 n'est même pas terminée. Qu'est-ce qui se passe en fait, Sami Hassani? Alors qu'est-ce qui se passe? Le constat d'abord, c'est que ça fait plus de trois ans maintenant qu'on a ces échouages multiples, en période hivernale, donc souvent entre janvier et mars, ou fin décembre et mars, début avril, donc avec des niveaux très élevés, parfois sur cette période, ou même moins, représentent ce qui s'échouait auparavant sur une année. Donc c'est considérable. Plus récemment, et donc on avait ces pics hivernaux là, en Bretagne et peut-être un peu en Vendée, Vincent pourra le confirmer, mais moi j'ai les données pour la Bretagne. On a également cette année un pic estival. Ça s'est quasiment pas arrêté sur la Bretagne sud, sud Finistère et Morbihan. Donc ça continue et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on note que le bonne partie des dauphins examinés montrent des captures, des signes de capture accidentelle. Donc il y a des interactions avec les engins de pêche. Alors non pas que la pêche ait changé, il n'y a pas eu de grosses évolutions dans les techniques de pêche, ni même dans l'effort de pêche. Par contre, les dauphins sont plus sujets aux captures accidentelles. Alors, est-ce que c'est peut-être des changements de distribution de ces dauphins qui sont plus dans les zones où l'effort de pêche est pratiqué? Et c'est vrai que les témoignages de personnes qui observent des dauphins sont plus nombreux qu'auparavant. Les dauphins sont très proches des côtes. On sent qu'il y a des proies. Il y a eu beaucoup de notamment cet été, de signalement de bancs, de dauphins associés des fois à des baleines qui étaient en alimentation avec des oiseaux marins. Donc, et les dauphins se déplacent pour plusieurs choses, mais une des principales raisons de leur déplacement, c'est des déplacements alimentaires. Donc ils suivent leur proie. Voilà, donc le but du travail qui est fait au niveau de Pélagis ou du groupe de travail national sur les captures accidentelles, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, et quand on aura bien compris ce qui se passe, on arrivera peut-être, et il faudra de toute façon trouver des solutions pour réduire ces niveaux de capture qui ne sont pas supportables. Vincent Ridoux, sur ces échouages, on le disait aussi, hein, là on est donc, je vais vous laisser, vous avez précisé les chiffres, vous aurez certainement des références plus récentes que les miennes, mais ces échouages, c'est vraiment... La partie visible d'un iceberg qui est beaucoup beaucoup plus préoccupant parce que dans ces captures accidentelles l'énorme majorité des dauphins qui sont asphyxiés hein, parce que c'est pas vraiment qu'ils se noient mais qui sont asphyxiés sous l'eau quand ils sont pris dans les filets de pêche ou dans des instruments de pêche et bien se noient et ne vont pas sur la côte et tombent au fond de l'océan. Oui, alors je vous ai rassemblé quelques chiffres, monsieur, c'est pas très sympathique. Écoutez, c'est bien d'avoir des chiffres bien sûr. Consolidés. Donc là, c'est les chiffres de 2019, donc c'est l'année complète la plus récente. Et donc, en France métropolitaine, il y a eu 1489 échouages de cétacés. Donc, c'est un chiffre qu'on n'avait jamais atteint avant. Sur ces 1489, il y en a 1146 dauphins communs. Donc, c'est vraiment de très loin l'espèce la plus représentée. Et dont 575 étaient en état suffisant pour être examinés, comme l'a décrit Jérôme dans le reportage. Et donc, ce qui a permis d'estimer que 62% de ces dauphins communs étaient morts de capture accidentelle. Alors ça, c'est une moyenne sur une année entière. 2 sur 3, quoi. Ouais. Mais ce chiffre moyen, il connaît des variations et il y a des moments plus cruciaux que d'autres où le taux de capture accidentelle est plus fort. Et donc, c'est en particulier dans les mois d'hiver, entre mi-janvier et mi-mars, où on atteint des taux de capture accidentelle de 80%, 85%. Et comment ça s'explique que ce soit saisonnier, justement, ça? Ce qu'on pense, c'est que l'essentiel de la saisonnalité de cette mortalité, elle est liée à la saisonnalité des déplacements des animaux, et que ces animaux, ils rentrent massivement dans le golfe de Gascogne en hiver, pour des raisons alimentaires. Et puis à d'autres saisons, à d'autres périodes de l'année, ils sont moins nombreux. Donc on a fait des estimations de densité en avion à 4 saisons différentes. On fait ça depuis 2 ans et on s'est rendu compte qu'en février, les densités observées sont 5 à 10 fois supérieures à ce qu'elles sont le reste de l'année. Donc voilà, les animaux rentrent massivement dans le golfe de Gascogne à cette saison-là pour des raisons alimentaires. Parce qu'ils chassent des poissons qui sont aussi la proie d'autres poissons carnassiers comme le merlu, le bar, qui eux-mêmes sont des cibles de l'activité de pêche à cette saison. Et donc c'est cette coordination d'événements là qui rend la fréquence des captures accidentelles plus élevée à cette période-là. Et comme l'a indiqué Samy, à côté de ce pic de mortalité hivernale qui est connu depuis la fin des années 80, le début des années 90, donc c'est ancien, c'est pas une histoire récente, eh bien on voit apparaître depuis 4 ou 5 ans un petit pic en été qui devient de plus en plus important également, mais qui reste encore très inférieur à celui de l'hiver. J'aimerais qu'on parle un peu des solutions pour réduire ce taux de capture accidentelle. Alors la solution qu'on évoque et qui est relativement connue, Samy Hassani, ce sont des filets qui font du bruit, qui effraient les animaux ou en tout cas qui leur permettent de les repérer beaucoup mieux, puisque évidemment l'éco-location ne permet pas aux dauphins de voir les mailles du filet. C'est pour ça qu'ils se laissent prendre à l'intérieur. Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle les répulsifs acoustiques, ouais. Ou le terme anglais qui est pinger. Ils sont effectivement des dispositifs qui émettent du son suffisamment d'un niveau qui va gêner les dauphins et donc inciter une réaction de fuite. Alors il y a plusieurs cas de figure pour ces répulsifs. Alors il y a des essais qui ont été faits et qui sont en cours et puis c'est obligatoire sur les chaluts pélagiques. Et là, ça marche assez bien et c'est une mise en œuvre qui est relativement aisée puisqu'il suffit de, selon la taille du chalut, de mettre 2 à 3 dispositifs acoustiques pour protéger l'entrée du filet de l'entrée des dauphins qui rentrent dans le filet, ils s'y promènent pour aller s'alimenter. Et c'est peut-être sans doute au moment du virage quand le filet prend du mou et qu'il se plie que les animaux sont piégés, parce qu'un chalut pélagique, ça n'avance pas très vite. Mais voilà, donc là, c'est peut-être une des solutions, ou la solution pour cet engin, en attendant de trouver mieux. Par contre, s'agissant des autres engins de pêche, et notamment les filets calés, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types de filets, mais enfin, filet calé, c'est un filet qui est posé sur le fond pour capturer des poissons, bien sûr, ou des crustacés, mais c'est surtout concernant les poissons, dans la zone où il y a les plus fortes mortalités. Et il faut savoir que c'est une flottille qui est considérable dans le Golfe et que ça représente des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres de filets. Et si on devait équiper tous les filets par des dispositifs acoustiques, ça ferait... Alors déjà, la mise en œuvre est compliquée. Il en faudrait beaucoup, elle est onéreuse, et puis ça créerait des zones d'exclusion et du bruit. Du bruit sous-marin qui perturbe en plus un certain nombre d'espèces. Je pense que sur les filets, ce n'est pas la solution. D'ailleurs, les seuls tests qui sont envisagés, à ma connaissance, si ça n'a pas évolué depuis, c'est de tester ces dispositifs au moment où on met les filets à l'eau, donc depuis le bateau, parce qu'on pense que. Ça paraît logique que les dauphins ne se piègent pas dans les filets quand ils sont posés par 100 mètres de fond, entre 80 et 100 mètres de fond, mais lorsque le filet est entre deux eaux en train de descendre dans le fond. Quoi. Ouais, mais... voilà, il faudra absolument travailler sur d'autres pistes. Pour résoudre le problème des captures dans les filets. D'autres pistes, dont certaines associations qui militent pour l'arrêt simple de la pêche à certaines dates précises pour essayer d'éviter ces captures accidentelles. On est malheureusement trop court pour avoir le temps de parler de cette option, mais on y reviendra, j'espère, dans une prochaine émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Vincent Ridoux, merci Samy Hassani d'être venu nous parler des dauphins. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Étienne, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard. Retour à la réalisation qu'on salue. Et Edouard Rubinstein à la technique. Demain, nous nous emparons d'une autre des grandes actualités astrophysiques de cet été. Il pourrait y avoir de l'eau liquide sous la surface de Cérès, la planète naine de la ceinture d'astéroïdes. De l'eau sous Cérès. Cérès possible, c'est le très mauvais jeu de mots qui présidera à l'émission de demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.